Ozala Guyane, oh, Ozali Africa, Ozala Haïtien, oh, Ozali Africa, Ozala Antillais, oh, Ozali Africa, Ozala Américain, oh, Ozali Africa, Ozala Jamaïcain, oh, Ozali Africa, Tosangana, Tosangana, Tosangana, Naesengo, Tosangana. Kinshasa. Nous rencontrer.